Ok. Presque enfoiré le jeu. C'est rapide, précis, sans contact. Mets le casque, allume le contact. Parle de moi et tu verras. Tout ce qui t'arrivera. Je crois que tu vas passer à travers, tu paieras. Vénère comme un gilet jaune, écoute quand c'est la voix des jeunes. Pour te voir me coller, puis quand ma mise là les aimes. J'fume le jaune, sans que le pète ça fait un fumigène. En fait, j'm'arrête à la lime et j'vois que le cul de ma odigène. Dans ma bulle comme un Simpson. J'pars du principe que si tu lèves un T-Max, tu lèves une Harley Davidson. Elle compte pas de ce qu'on lui donne, elle fait la capricieuse. Pour elle, ça sera ma douille, une pub, on fait une capricieuse. J'ai belle tu sens bon, soir on pète la jambe. J'en fume un, j'regarde Netflix et j'me fais pomper. J'ai belle tu sens bon, soir on pète la jambe. J'en fume un, j'regarde Netflix et j'me fais pomper. Parle de moi et tu verras. La règle est grande, je te sens. Avec le G sur Gilera. La guitare sur la moto. Y'a des télérats. J'suis casqué avec le poteau. Sur le Gilera. La guitare sur la moto. Y'a des télérats. J'suis casqué avec le poteau. Parle de moi et tu verras. À ce qui t'arrivera, tu crois que tu vas passer à travers, tu paieras. Ah, tu dirais, on peut trouver même si tu te caches au Canada. Comme Croatine, investir au Panama. J'arrive à Paris, viens au matin en Quadraga. Tu viens me chercher, mais tu sais que je suis pas là-bas. Je suis un scélérat dans un Panamera. Sur le poignet du Jesus Lopez Zafira. Comportement toujours, je suis pas dans Samira. Je suis avec Anita, pour l'instant Samira. Un jour, elle s'en ira. Pour 2000 bahts ou 800 dirhams. Fais-moi du mal, tu le verras. Parle de moi et tu verras. La règle est grande, je te sens. Avec le G sur le Gilera. Sur le Gilera. La guitare sur la moto. Y'a des télérats. J'suis casqué avec le poteau. Sur le Gilera. La guitare sur la moto. Y'a des télérats. J'suis casqué avec le poteau. C'est devenu pire que le mercato. Tu voulais que t'es à nada, on a le pot sorti de la nada. Faut mes valeurs la bataille, y'a rien qui arrive par hasard. La c'est Paris, c'est marre les gérants du Qatar. Brésilien comme les marques, bruxellois comme Eden Hazard. La c'est Paris, c'est marre les gérants du Qatar. Brésilien comme les marques, bruxellois comme Eden Hazard. Dans l'Italie, mental comme à Napoli. Le centre comme Mbappé, plus tard comme Barotelli. De Paris à Marseille, ça comme une idée. Comme dans le cartel de Medellin. Fais-moi du mal, tu le verras. Parle de moi et tu verras. La règle est grande, je te sens. Avec le G sur le Gilera. Sur le Gilera. La guitare sur la moto. Y'a des télérats. J'suis casqué avec le poteau. Sur le Gilera. La guitare sur la moto. Y'a des télérats. J'suis casqué avec le poteau. Je cache bien la barrette. J'arrive dans les fédéraux.